طيب، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours 25 dans l'explication de Kitab Umdat al-Ahkam, le Sharh de Cheikh Abdullah al-Bassam, Taysir al-A'lam. Et donc on est arrivé au sujet de yani Bab Awqat al-Nahi. Bab Awqat al-Nahi. C'est-à-dire le chapitre au sujet des temps dans lesquels il est interdit de prier. Et on a mentionné à ce sujet-là deux hadiths, le hadith 52 et 53. Le premier, c'est selon Abdullah ibn Abbas, qui mentionne l'interdiction du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de faire la prière après le subh jusqu'à ce que le soleil se lève, et après l'asr jusqu'à ce que le soleil se couche. Et le deuxième hadith, le hadith 53, selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il n'y a pas de soleil après subh, il n'y a pas de salat après subh jusqu'à ce que le soleil se lève, et il n'y a pas de salat après l'asr jusqu'à ce que le soleil se couche. Donc on va lire maintenant les questions qui ont rapport avec les divergences des ulama sur cette question. Donc il y a des paroles qui ont été rapportées des ulama divergentes à ce sujet-là, et donc il est important de bien comprendre c'est quoi leur divergence, hein, et de comprendre leur position pour savoir en réalité avec les preuves qu'est-ce qui est al-haq dans cette question et dans ces divergences. Donc le cheikh, il commence en disant: ikhtalafa al-ulama fi as-salati fi hadhihi al-awqat fa dhahaba jumhur al-ulama ila annaha makruha mustadillin bi hadhihi al-ahadith as-sahiha wa ghayriha. Donc premièrement, les ulama ont divergé au sujet de la salat dans ces temps qu'on a mentionné, c'est-à-dire les trois temps que le cheikh avait mentionné au début, Az-Zawal. Il avait mentionné après le Fajr jusqu'au lever du soleil, avant le Zawal, avant le Zénith, et après l'Asr jusqu'à ce que le soleil se couche. Les hadiths qu'on a mentionnés parlaient seulement du premier et du troisième. La deuxième, les hadiths n'en parlaient pas. Naam. Donc il n'a pas mentionné de point à ce sujet-là. Maintenant, il dit que les ulama ont divergé au sujet de ces temps-là et de l'interdiction de faire des prières dans ces temps-là. Il dit que le jumhur des ulama, c'est-à-dire la majorité des ulama, ils ont eu comme position que de prier dans ces temps-là, c'est détestable. C'est makruh. Hein? Et on a donné hier la définition de al-karaha. Qu'est-ce qui est makruh? Ça veut dire que si tu le fais pas, tu seras récompensé, et si tu le fais, tu seras pas puni. C'est ça la définition. Et donc ils ont dit que c'était makruh de prier dans ces temps-là. Et la preuve qu'ils ont ramenée à ce sujet-là, c'est les hadiths qu'on a mentionnés et d'autres également. Donc les hadiths qu'on a mentionnés, les deux hadiths, plus d'autres hadiths aussi à ce sujet-là. Maintenant, le cheikh il va mentionner une des positions parmi les positions de divergence, c'est la position du madhhab al-zahiri. Il dit « Wa dhahabat al-zahiriya ila ibahati al-salati fiha wa ajabu an ahadith al-nahi bi annaha mansukha » Donc, al-zahiriya, eux, leur position, c'est que c'est permis de prier dans ces temps-là. Et comment ils ont contourné le fait qu'il y a des hadiths qui interdisent de prier dans ces temps-là? Ils ont contourné ça en disant que ces hadiths-là ont été abrogés. Hein? Ils ont été abrogés. Maintenant, on sait que pour que quelque chose soit abrogé, il faut qu'il y ait un abrogeant. Il faut qu'il y ait un texte qui vienne abroger hein, ce qui est abrogé. Donc, dans ce cas-là, c'est quoi? Le cheikh, il explique premièrement que وكل الأحاديث التي زعموها ناسخة جعلها العلماء من باب حمل المطلق على المقيد أو بناء الخاص على العام ولا يعدل إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع وهو هنا ممكن بسهولة ممكن بسهولة. Donc le cheikh il explique que les ahadiths que les Zahiriya ont mentionné comme argument pour dire que ça c'est les abrogeants qui sont venus abroger hein, l'interdiction. En réalité, les ulama, eux, ils considèrent plutôt que ces hadiths-là rentrent plutôt dans le fait de rentrer, de prendre qu'est-ce qui est restreint, ou plutôt qu'est-ce qui est général, hein, de restreindre ce qui est général, haml al-mutlaq. C'est-à-dire qu'est-ce qui est général, on le ramène au texte qui vient le restreindre et le limiter. D'autres, ils ont établi que c'était de bâtir qu'est-ce qui était spécifique sur qu'est-ce qui est général. Donc en voulant dire que c'est dans ce sens-là, c'est pour venir restreindre ce qui est général, les hadiths venaient restreindre ce qui est général, ou bien qu'est-ce qui est spécifique, qu'est-ce qui est général, on dit que ces preuves-là, c'est des hadiths qui viennent le rendre spécifique. Et puis on va expliquer qu'est-ce qu'on veut dire par là plus tard, dans le sens que, comme il y a des hadiths qui disent que, par exemple, si quelqu'un d'entre vous il rentre à la mosquée, alors qu'il prie raka'atayn, qu'il prie deux raka'at avant de s'asseoir. Il ne doit pas s'asseoir avant d'avoir fait raka'atayn. Hein? Donc, entre les deux, il y a une opposition, puisque si tu rentres dans la mosquée après Salat al-Asr, ou bien après la Salat de Subh, avant que le soleil se lève, dans ce cas-là, est-ce que tu vas faire Raka'atayn, ou bien tu vas prendre l'autre hadith qui dit que dans ce temps-là, on n'a pas le droit de prier. Donc, soit tu vas dire que le hadith de l'interdiction de prier dans ces temps-là, c'est général, mais le hadith qui ordonne de prier quand tu rentres à la mosquée avant de t'asseoir, que ça c'est spécifique. Et donc, tu dans ce cas-là, tu vas dire, ça c'est, dans ce cas-là, c'est permis parce que c'est quelque chose qui est spécifique. Et on va voir comment les ulama ont parlé de cette question-là. Donc, il dit qu'on ne peut pas ramener l'argument de l'abrogation et de dire que les textes ont été abrogés, excepté si c'est impossible de réunir entre les textes. Donc si par exemple il y a une apparente contradiction entre les textes, on ne peut pas tout de suite aller et dire que c'est un est abrogé et l'autre est abrogeant, avant de vérifier s'il n'est pas possible de réunir les deux textes et de les appliquer les deux hein, ensemble. Et il dit que dans ce cas ici, c'est très facile de les réunir ensemble et de les appliquer ensemble. Donc, on n'a pas besoin de ramener l'argument de l'abrogation. Et on va voir ça en détail, inshallah. Le cheikh dit « Thum ikhtalafu, ma hiya salatul manhi ou anha fi hadhi l'awqat ?» فذهب الحنفية والمالكية والحنبلية إلى أنها جميع التطوعات وما عدا ركعتي الطواف، مستدلين بعموم النهي الوارد في الأحاديث. Donc les ulama ils ont divergé par la suite à savoir quelles sont les prières ou quelle est la prière qui est interdite dans ces temps-là. Et le madhab des Hanafiyya, des Malikiyya et des Hanbaliyya, ils sont de l'opinion que ce sont toutes les prières surérogatoires, toutes les tatawu'at que tu peux faire, excepté les deux rak'at du tawaf. Et ils ramènent comme argument, comme preuve, l'interdiction générale qui est mentionnée dans les hadiths qu'on a mentionnés. C'est-à-dire toutes les prières surérogatoires sont interdites dans ces temps-là. Maintenant, le cheikh il dit « wa madhhab al-shafi'iyya wa riwayatun an l'imam Ahmad ikhtaraha cheikh al-islam ibn Taymiyyah wa jama'atun min ashabina ila annaha an-nawafil al-mutlaqa an l'asbab. أما الصلوات ذوات الأسباب كتحية المسجد لداخله وركعتي الوضوء فجائزة عند وجود سببها في أي وقت ودليلهم على ذلك الأحاديث الخاصة لهذه الصلوات فإنها مخصصة لأحاديث النهي العامة وبهذا القول تجتمع الأدلة كلها تجتمع الأدلة كلها ويعمل بكل من الأحاديث من كل أحاديث الجانبين. Donc le cheikh il explique que le madhhab Shafi'i ainsi que une des narrations de l'imam Ahmad ont choisi une autre position. Et cette position, elle a été également adoptée par Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et un groupe d'entre nos compagnons parmi les ulama des Hanabila. Et c'est la suivante. Que les nawafil qui n'ont pas une cause spécifique ou une raison spécifique, elles sont interdites. Ou bien plutôt, elles sont détestables. Tandis que les prières surérogatoires qui sont reliées à une cause spécifique ou à une raison spécifique, c'est-à-dire qu'il y a des textes à leur sujet qui mentionnent une cause ou une raison spécifique pour les faire, dans ce cas-là, elles, ces prières-là, sont permises lorsque leur cause ou la raison de les faire sont présentes dans ce temps-là. Et il donne l'exemple de Tahiyatul Masjid. Par exemple, le salut de la mosquée, les deux rak'as de salutation de la mosquée, de même que les deux rak'as après le wudu. Que c'est permis de les faire si tu fais ton wudu, même si c'est un temps dans lequel c'est détestable de le faire. De faire la prière. Ou par exemple, tu rentres dans la mosquée à un moment où c'est interdit de prier, mais tu fais les deux rak'at parce que ces deux rak'at-là sont reliés au fait de rentrer à la mosquée. Donc, c'est pas parce que tu fais exprès de prier à ce moment-là, dans ce temps interdit, mais c'est parce que tu es rentré dans la mosquée que tu as fait ces deux rak'at et dans ce cas-là, c'est permis. Et il dit que la preuve des ulama qui ont mentionné cette opinion-là, Imam al-Shafi'i, Ahmad, Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, c'est que il y a des ahadiths spécifiques qui mentionnent le fait de faire ces prières-là. Il y a des hadiths spécifiques qui mentionnent le fait de prier ces prières. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à la prière de Tahiyatul Masjid, il dit, comme j'ai mentionné tout à l'heure, يعني, إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. C'est-à-dire, lorsque l'un d'entre vous rentre dans la mosquée, qu'il ne s'assoit pas jusqu'à ce qu'il ait fait ركعتين. Donc ça, c'est une prière surérogatoire qui est reliée à une cause ou à une raison bien spécifique qui est l'entrée dans la mosquée. Maintenant, le cheikh, il explique que c'est des hadiths qui sont particuliers et spécifiques pour ces prières-là. Et donc, il dit, ces hadiths-là viennent restreindre ou bien viennent rendre spécifique yani, le fait de l'interdiction, que l'interdiction générale est limitée, hein, ou bien plutôt, elle ne s'applique pas à ces moments, à ces prières-là. L'interdiction générale ne s'applique pas à ces prières-là parce qu'elles, elles ont une cause qui est spécifique. Donc, il dit, le cheikh dit, لِأَنَّهَا مُخَصَّصَةٌ لِأَحَدِيثِ النَّهِي الْعَامِ. Donc, les hadiths qui sont générales, hein, les hadiths qui sont générales interdisent de prier dans ces temps-là, sauf pour ces prières surérogatoires qui sont reliées à une cause spécifique. Et dans ce cas-là, ces causes spécifiques-là sont exclues de l'interdiction générale. C'est ça que ça signifie. Il dit, وَبِهَذَا الْقَوْلِ تَجْتَمِعُ الْأَدِلَّةِ كُلُّهَا. Donc, en prenant cette position-là, on est capable de réunir tous les textes ensemble. Les textes de l'interdiction générale et les textes qui indiquent ou qui appellent à faire certaines prières qui sont reliées à des causes spécifiques, comme le fait de faire le wudu ou l'entrée à la mosquée ou autre. Il dit « ثم اختلفوا هل يبدأ النهي في الصبح من طلوع الفجر الثاني أو صلاة الصبح فذهب الحنفية إلى أنه يبدأ من طلوع الفجر وهو المشهور من مذهب الحنابلة مستدلين على ذلك بأحاديث منها ما رواه أصحاب السنن الأربعة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين فإنه يدل على تحريم النافلة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر لأن المراد من النفي النهي وذهب كثير من العلماء إلى أن النهي يبتدأ أن النهي يبتدئ من صلاة الفجر لا من طلوع الفجر واستدلوا على ذلك بأحاديث منها ما رواه البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس حتى تطلع الشمس وبما رواه البخاري أيضا عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة الصحيحة وما استدل به الأولون فيه ما قال وهو لا يقاوم هذه الأحاديث. Donc on va lire la deuxième exemple qui est mentionné dans la divergence. Et c'est quoi la deuxième question sur laquelle ils ont divergé? Quand est-ce que le temps de l'interdiction commence pour la prière de Subh? Est-ce que c'est à partir de l'aube, du lever de l'aube, c'est-à-dire lorsque le deuxième Fajr qu'on appelle, le Fajr al-Thani, ou bien à partir de la prière elle-même, c'est-à-dire à partir du moment où on a fait la prière de Fajr. À partir de ce moment-là, c'est interdit de faire d'autres prières, ou est-ce que c'est à partir de l'aube elle-même? Et les Hanafiyas, ils ont dit que c'est à partir de l'aube. Et il dit que c'est une position également qui est célèbre chez les Hanabila. Et ils utilisent à ce sujet-là comme preuve des hadiths. Et parmi ces hadiths-là, qu'est-ce qui a été rapporté par les quatre dans les sunan, al-arba'a, les quatre sunan, Abu Dawud, al-Nasai, al-Tirmidhi, ibn Majah. Selon Ibn Umar radiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de prière après le Fajr excepté sajdatayn. Hein, probablement qu'ici ça veut dire rak'atayn, hein, excepté deux rak'at. Et ils disent que, le cheikh il dit qu'ils utilisent ça comme preuve qu'il est interdit de faire une nafila, une prière surérogatoire, après le lever de l'aube excepté les deux rak'at de Fajr. Hein, parce que la négation dans ce hadith signifie l'interdiction. Il n'y a pas de prière, ça veut dire tu ne dois pas prier, c'est-à-dire l'interdiction. Et il dit que certains, d'autres ulama, et ça c'est un grand nombre d'entre les ulama, il dit que l'interdiction commence à partir de la prière de Fajr et non pas à partir de l'aube. Et ils se sont basés sur des hadiths. Et parmi les hadiths qu'ils ont mentionnés, qu'est-ce qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari selon Abu Sa'id al-Khudri, qui dit « Il n'y a pas de salat après la salat de Fajr jusqu'à ce que le soleil se lève. » Et dans un autre hadith qui est également rapporté par al-Bukhari et qui est rapporté selon Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas de salat après la salat de subh, après la prière de l'aube, jusqu'à ce que le soleil se lève. Donc ça, c'est des hadiths qui sont authentiques, et ils sont nombreux comme ça, et ils sont clairs, du fait que c'est après la prière de Fajr que tu n'as plus le droit de faire de prière surérogatoire, hein, jusqu'à ce que le soleil se lève. Il dit, tandis que ceux qui ont eu l'autre opinion, que c'est à partir de l'aube, il dit que les hadiths qu'ils ont utilisés pour justifier leur position, il y a des choses à dire là, sur ça, sur ces hadiths-là, et qu'ils ne peuvent pas opposer les hadiths qu'on a ramenés ou que les autres ont ramenés, qui sont des hadiths authentiques rapportés dans Al-Bukhari et qui sont clairs et explicites sur cette question-là. Il dit ensuite... Qu'est-ce qu'on peut tirer comme point important et bénéfique dans ces deux hadiths? Et ici, le cheikh, il ramène quatre points. Le premier point, al-awwal, al-nahyu an nawafil al-salat al-mutlaqa ba'da salat al-subhi hatta tashriq al-shams wa tartafi'u ويقرب من ثلاثة أمتار من ثلاثة أمتار. Donc le cheikh il dit l'interdiction des prières surérogatoires qui sont absolues après salat subh jusqu'à ce que le soleil se soit levé et qu'il soit au-dessus de la terre d'une distance à peu près de 3 mètres. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit qadra rumhin. Qadra rumhin, rumh, c'est une lance. Et ils ont calculé donc à peu près 3 mètres. 3 mètres de haut. Donc quand le soleil et l'horizon, entre le soleil et l'horizon, il y a une distance à peu près de 3 mètres, à partir de ce moment-là, on peut commencer à faire des prières surérogatoires. Et quand on dit des prières surérogatoires absolues, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne sont pas reliés à une cause spécifique comme celle qu'on a mentionnée tout à l'heure. Comme par exemple, le fait de faire des prières surérogatoires purement de façon volontaire, sans que ce soit relié au fait qu'on ait fait le wudu, ou bien qu'on ait par exemple, qu'on soit entré à la mosquée, hein, ou bien que par exemple ce soit une autre prière parmi les prières qui ont une cause, comme le fait de vouloir faire par exemple salat al-istikhara ou des choses comme ça. Le cheikh il explique aussi ensuite comme point numéro 2 an-nahyu an nawafil as-salat al-mutlaqa ba'da salat al-'asr hatta taghib ash-shams. Donc le deuxième point, c'est qu'est-ce qu'on peut tirer de ces hadiths? C'est l'interdiction des prières surérogatoires absolues après salat al-asr jusqu'à ce que le soleil se couche. Donc ça, c'est la même chose ici. Hein? Les hadiths al-mutlaqa, les salawat al-mutlaqa, on l'a expliqué déjà. Après, il dit, thalithan, point numéro 3, يُؤْخَذُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ أَنَّ النَّهْيَ هِيَ لِلْجِنْسِ وهذا مقتضى اللغة لكن صيغة النفي إذا دخلت على الفعل في ألفاظ الشارع فالأولى حملها على نفي الفعل الشرعي. نعم. C'est un peu compliqué de traduire ce point-là, le point numéro 3. Donc, je pense que je vais juste passer par-dessus, puis on verra plus tard, Inch'Allah. Le point numéro 4, al-rabi, fuhima min ba'd al-ahadith, anna illat al-nahi hiya khashyat mushabahat al-kuffar. فيؤخذ من هذا تحريم التشبه بهم وتقليدهم في عباداتهم وعاداتهم وتقاليدهم. Donc le cheikh il dit qu'on a compris à partir de ces hadiths que la raison pour laquelle il est interdit de prier dans ces temps-là, c'est la crainte de ressembler aux kuffars, et on peut donc tirer de ces hadiths l'interdiction de leur ressembler, que ce soit par imitation aveugle, dans leur adoration, dans leur tradition ou leur coutume. Ça, c'est une des preuves même que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a mentionné dans son livre Iqtida Sirat al-Mustaqim pour prouver l'interdiction d'imiter les kuffars. Il dit ensuite le Cheikh Faïda Al-Mu'allif lam yata'arrad li l'thalith min awqat al-nahi wa huwa مع ثبوته في الأحاديث وهو وقت ضئيل قليل يبتدئ حين تنتهي الشمس منها الارتفاع حتى تزول وقد ثبت تحريم الصلاة فيه بأحاديث منها ما رواه مسلم عن عقبة ابن عامر ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن أمواتنا أو أن نقبر فيهن موتانا إحداها حين يقوم قائم الظهيرة ومنها ما رواه مسلم أيضا عن عمرو بن عبسة أو عبسة ومنه ثم صلى حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة ثم صلي حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم. نعم. Donc le cheikh il dit que l'auteur il n'a pas mentionné ici le troisième temps, c'est-à-dire le deuxième exemple qui était mentionné dans les trois temps au début quand on a commencé l'explication. On a parlé de l'interdiction des temps dans lesquels il est interdit de prier. On a mentionné après la prière de Fajr jusqu'au lever du soleil. On a mentionné avant le zénith, jusqu'à ce que le soleil dépasse le zénith et que le temps de dhuhr commence. Puis le troisième, c'était après la salat d'asr jusqu'à ce que le soleil se couche. Mais on n'a pas mentionné, le cheikh il a dit que l'auteur il n'a pas parlé de la deuxième exemple. Le deuxième exemple, c'est-à-dire de la prière avant le zénith. Donc, il dit qu'il y a des ahadiths qui sont authentiques et qui mentionnent que c'est un temps qui est court et dans lequel on n'a pas le droit de faire des prières et qui débute au moment où le soleil cesse de s'élever dans le ciel jusqu'à ce qu'il passe le zénith, et c'est basé sur des hadiths qui sont clairs dans l'interdiction de la prière dans ce moment-là. Parmi les hadiths en question, ce que l'imam muslim a rapporté, selon Uqba ibn Amir, qui dit qu'il y a trois temps dans lesquels le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, nous a interdit de prier et d'enterrer nos morts. Et un de ces temps-là, c'était lorsque le soleil arrive à son zénith, avant le dhuhr. Et il mentionne également comme hadith ce que Muslim a rapporté selon Amr ibn Abasa. Il dit, puis il lui dit, puis fais la prière jusqu'à ce que la lance, lorsque tu l'as plantée dans le sol, hein, elle n'a plus d'ombre. Hein, son ombre est comme là où il y a la lance elle-même. C'est-à-dire, tu vois que lorsque tu vois que le soleil est arrivé directement en haut de cette lance, il n'y a plus d'ombre. Alors cesse de faire la prière, parce que c'est un temps dans lequel yani, l'enfer est... Allah subhanahu wa ta'ala, il dit c'est le temps dans lequel tous jaru jahannam. 15 minutes avant. Ok, c'est ça. Juste un peu avant le temps de la prière. Barakallahu fik. Donc, فَحِينَ إِذِنْ تُسْجَرُ جَهَنَّمْ, c'est-à-dire, c'est à ce moment-là qu'on allume l'enfer. C'est à ce moment-là qu'on allume l'enfer. Donc, c'est ça la signification du hadith, وَاللَّهُ تَعَلَىٰ أَعْلَمْ. Après, le sheikh, il dit, وَفَائِدَةٌ ثَانِيَةٌ كَثِيرٌ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ بُنِيَتْ عَلَى الْبُعْدِ عَنْ مُشَابَهَةِ الْمُشْرِكِينَ لأن في تقليدهم والتشبه بهم تأثيرا على النفس يتدرج ويمتد حتى يصل إلى استحسان أعمالهم واحتذائهم فيها حتى يزول ما للمسلمين من عزة ووحدة واستقلال ويصبح تبعا لهم وقد ذابت شخصيتهم ومعنويتهم فيهم وهذا يدالون وبهذا يدالون على المسلمين والإسلام يريد من المسلمين العزة والوحدة في عباداتهم وعاداتهم وتقاليدهم وأحوالهم ويريد منهم أن يكونوا أمة مستقلة لها صفتها الخاصة وميزتها المعروفة ومع الأسف الشديد نجد المسلمين في عصرنا يجرون خلفهم بلا روية ولا بصيرة وكل ما ورد من الغرب فهو الحسن وكل عمل يأتون فهو الجميل ولو خالف الدين والخلق فإنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أيقظ المسلمين من رقدتهم ونبههم من غفلتهم واجمع على الحق والهدى كلمتهم إنك سميع مجيب وليس المراد أن لا نتعلم ما علموه أو ما علموه من صناعة واختراع فهذه علوم مشاعة لكل أحد ونحن أولى بها منهم لأننا حين نتعلمها نستعملها فيما يأمر به ديننا واستتباب الأمن والسلام وإسعاد البشرية أما كونها بأيدي طغاة مستعمرين فتكون أداة تخريب ودمار أما كونها بأيدي طغاة مستعمرين فستكون أداة تخريب ودمار للعالم. Donc le cheikh il explique qu'il y a beaucoup de règles parmi les règles de la charia qui sont basées sur le fait de s'éloigner de l'imitation des mushrikines et de ne pas les imiter. Pourquoi? Parce que dans le fait de les imiter et de leur ressembler, eh bien, il y a une influence sur l'âme. Ça a un effet sur l'âme qui amène par la suite jusqu'à ce que la personne commence à trouver leurs actions comme étant bonnes. Et à partir de ce moment-là, il veut essayer de faire comme eux jusqu'à ce qu'ils perdent, hein, ou jusqu'à ce que les musulmans perdent leur fierté, leur unité, leur indépendance, et qu'ils deviennent des suiveurs, des mouchriquines et des kuffars. Et à ce moment-là, ça veut dire que les musulmans auraient perdu leur personnalité, hein, leur identité. Et, yani, eux, donc c'est eux qui ont le dessus sur les musulmans dans ce temps-là. Mais l'islam veut de la part des musulmans qu'ils soient fiers, qu'ils soient uniques dans leurs adorations, dans leurs traditions, dans leurs coutumes, dans leur façon d'être. Et il veut également d'eux qu'ils soient une nation indépendante qui a ses propres caractéristiques et qui se distingue. Et donc, on voit malheureusement à notre époque que beaucoup de musulmans courent derrière ce que font les mouchriquines sans aucune retenue, sans aucune réserve, sans aucune compréhension, et que tout ce qui vient de l'Occident, pour eux, c'est bon, et que tout ce qu'ils font, c'est beau, même si c'est en contradiction avec la religion et le bon comportement. Alors le cheikh, il dit donc que ça c'est pas correct. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et le cheikh, il fait un dua, où Allah réveille les musulmans de leur sommeil et fait leur être éveillé de leur insouciance, et réunis-les sur la vérité et la guidance. Réunis leurs paroles sur la vérité et la guidance. Tu es certes audient et tu exauces les invocations. Et il dit que cela ne signifie pas qu'on ne doit pas apprendre d'eux les choses qu'ils ont sues des différentes sciences ou des différentes innovations qu'ils ont, des techniques qu'ils ont, hein, ou des différentes sciences qu'ils ont, par exemple, modernes ou des choses comme ça. Ça, c'est des choses qui sont ouvertes à tout le monde. Et nous, on mérite encore plus de les connaître et de les apprendre, parce que si nous, on les apprend, on les utilisera selon les règles de ce que notre religion nous ordonne, et on va les utiliser pour ramener la sécurité et la paix, et pour ramener le bonheur de l'humanité, et non pour la destruction et le malheur. Donc ça, c'est qu'est-ce que le cheikh a expliqué ici. Et il dit, donc après, on est arrivé à un autre chapitre, et on va lire ce chapitre-là, on a encore le temps, Inch'Allah. Le cheikh, il dit, un autre chapitre, c'est « Bab qada al-fawa'it wa tartibuha ». Ça, c'est un sujet qui est aussi un sujet important dans les questions de fiqh, c'est-à-dire les prières qu'on a manqué, si on a manqué par exemple des prières et qu'on doit les refaire, est-ce qu'on doit les refaire en ordre ou non? D'accord? On va dire par exemple, quelqu'un, il rentre à la mosquée, il a pas fait le asr et les gens prient le maghrib. Donc qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il fait le maghrib tout seul en premier, après ça il prie le asr avec eux? Ou est-ce qu'il prie l'asr en jama'a en premier, après quand il termine, il fait le maghreb en retard, et ainsi de suite. Donc il y a des divergences là-dessus, puis c'est ça ce qu'on va voir maintenant. Il dit, « An Jabir ibn Abdillah », c'est le hadith al-rabi' wal-khamsoun. « An Jabir ibn Abdillah, radiyallahu anhuma, anna Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, ja'a yawm al-khandaq, ba'da ghabat al-shams. » بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب رواه البخاري ومسلم. Donc ça c'est un hadith, et déjà on avait lu un hadith à ce sujet dans les hadiths précédents, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il disait shagaluna an salat al-wusta salat al-asr. Ça c'était dans dans le temps des prières, on a parlé de ça aussi, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait même fait un dua alors contre eux, mala Allah quburahum wa buyutahum nara كما شغلونا عن الصلاة الوسطى عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. Donc que Allah remplisse leur tombe et leur maison de feu comme ils nous ont occupés au point de manquer salat al-asr. Et ici le hadith ça dit que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu il est venu le jour de al-Khandaq. Et le jour de Al-Khandaq, c'est la bataille de Al-Ahzab. La bataille de Al-Ahzab. Et tous les mouchriquins s'étaient réunis avec les juifs et ils se sont tous mis contre les musulmans. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné qu'on creuse une tranchée d'un côté à l'autre de la ville de Médine. Parce que la ville de Médine est entourée par des roches volcaniques des deux côtés. Personne ne peut venir ni par l'est ni par l'ouest. Et le sud aussi, il y a des roches volcaniques. Donc, la seule direction par laquelle ils pouvaient venir, c'est par la direction de... je crois que c'est le... Attends, la prière... La Qibla, c'est... Je pense que c'est par le sud... Non, par le nord... C'est par le nord, donc en tout cas, la seule direction où ils pouvaient venir, c'est par cette direction-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait creuser une tranchée pour justement se défendre contre eux. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que là, ils étaient tellement assiégés par les mouchriquins qu'ils ont été occupés au point de manquer salat al-asr jusqu'à ce que le soleil se couche. Et Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a dit, il commence à insulter les kuffars de Quraysh et il a dit au messager d'Allah, ils nous ont je n'ai presque il a dit au messager d'Allah j'ai presque pas pu faire la salat de Asr jusqu'à ce que le soleil, presque juste avant que le soleil se couche. Il a fait la prière de Asr, mais il a failli pas la faire avant que le soleil se couche. Alors, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, par Allah, je jure que moi, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas encore prié, le Asr. Alors, il dit, c'est Jabir ibn Abdullah, il dit donc, nous nous sommes levés vers... un endroit pour faire le wudu et on a fait le wudu pour la salat, donc on a prié le asr après que le soleil se soit couché, puis ensuite on a prié le maghrib. Donc ils ont fait le asr, après ils ont fait le maghrib après le coucher de soleil. Donc le cheikh dit gharib al hadith yawm al khandaq wa huwa ghazwat al ahzab allati qadima fiha كفار قريش مع قبائل من نجد فحاصروا المدينة. Donc on a dit la bataille de Al-Ahzab, les kuffars de Quraysh avec des tribus du Najd qui se sont mis ensemble et ils ont assiégé la ville de Médine. ثانيا ما كدت بكسر الكاف وكاد من افعال المقاربة معناها قرب حصول الشيء الذي لم يحصل. Ça veut dire ma kitto, ça veut dire j'ai presque pas pu. Ça veut dire c'est pour indiquer les choses qui sont proches d'arriver ou de pas arriver ou des choses comme ça. Af'al al-muqaraba. Et il dit le point numéro 3, gharabat, قال الزركشي بفتح الراء وعدها وعد ضمها خطأ. Donc غربت, il dit que c'est une erreur, c'est غربت qu'il faut dire, selon Az-Zarkashi. Il dit والمعنى هنا ما صليت العصر حتى قربت الشمس من الغروب. Ça veut dire la parole de Omar ibn al-Khattab, j'ai pas prié le Asr jusqu'à ce que, c'est-à-dire j'ai pas pu prier le Asr jusqu'à presque avant le coucher de soleil, hein. C'est-à-dire le soleil, j'ai failli pas pouvoir prier le Asr jusqu'au coucher de soleil. Et il dit wa butḥān bi ḍamm al-bā wa sukūn al-ṭā, yani wādin bil Madīnah. Donc c'est une vallée, Butḥān. Al-Butḥān, yani c'est une vallée qui est à Médine. On l'appelle Butḥān. Le al-ma'na al-ijmali, le cheikh il dit جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق بعد أن غربت الشمس وهو يسب كفار قريش لأنهم شغلوه عن صلاة العصر فلم يصليها حتى قربت الشمس من الغروب فأقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق أنه لم يصليها حتى الآن تطمينا لعمر الذي شق عليه الأمر ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ وتوضأ معه الصحابة فصلى العصر بعد أن غربت الشمس وبعد صلاة العصر صلى المغرب. Donc le cheikh il dit, pour résumer qu'est-ce que le hadith il dit, c'est que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de Al-Khandaq. Et le soleil s'était couché. Et il insultait les koufars de Quraysh parce qu'il l'avait occupé au point que, yani, il a failli manquer la prière de Asr dans son temps. C'était presque le coucher de soleil et il a prié le Asr juste avant que le soleil se couche. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il a juré par Allah, et il est le véridique, qu'il ne l'avait pas fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire même après le coucher de soleil, il n'avait pas encore eu le temps de faire salat al-asr. Pour calmer et pour apaiser Omar ibn al-Khattab de qu'est-ce qu'il avait ressenti de cette situation-là, parce que ça avait pesé sur Omar de ne pas avoir prié, excepté juste avant la fin du temps. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ وتوضأ معه الصحابة. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم s'est levé, il a fait le wudu. Et les sahaba ont fait le wudu avec lui. Et il a prié al-asr après que le soleil s'était couché. Et il a prié salat al-maghrib par la suite. Hein? Il salla al-asr ba'da an gharabat al-shams wa ba'da salat al-asr salla al-maghrib. Il dit ma yu'khadhu min al-hadith. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith-là? Il y a 6 petits points. Le cheikh il dit awalan wujub qada al fawa'id min al salawat al khams. Donc premièrement, on peut tirer de ce hadith que il est obligatoire de refaire les prières qu'on a manquées, des 5 prières obligatoires. Donc si on a manqué une prière, il faut la refaire, il faut la faire après, même si le temps de l'autre prière est commencé. Thaniyan, al-dhahir anna ta'khiraha fi hadhihi al-qadiyya laysat nisyanan. ليس نسيانا وإنما هو يعني عمد ولكن هذا قبل أن تشرع صلاة الخوف كما رجحه العلماء. Il dit qu'est-ce qui est apparent dans ce hadith là, c'est que la prière avait été retardée non pas par oubli mais volontairement, et il dit que ça c'était avant que la prière de la peur ait été légiférée. Et ça, c'est la position que les ulama ont considérée la plus correcte. Parce que la prière de la peur, ça te permet de faire la prière dans la situation dans laquelle tu es, que tu marches ou que tu sois que tu sois sur le dos de ta monture ou des choses, peu importe la situation. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. comme c'est mentionné dans le verset. Et il dit, ensuite, il dit, le point numéro 3, « Fihi dalilun ala taqdim al-ghaiba ala al-hadira fil qada ma lam yadiq al-waqt al-hadira fa'inda thalika tuqaddam kayla » Yani, tukthir al-fawa'id. Il dit, le cheikh, que ça c'est la preuve que tu dois donner précédence à la prière manquée lorsque il y a une prière que tu as retardée jusqu'à la suivante. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu fais celle que tu as pas, que tu as manquée du moment que le temps est pas trop serré. Hein, tu vas faire celle que tu as manquée, puis tu fais l'autre après. Mais supposons que c'était trop serré et qu'il n'y avait pas assez de temps, dans ce cas-là, tu fais celle qui est maintenant. C'est-à-dire, on va dire que, par exemple, tu as manqué l'Asr, et là, le Maghreb rentre, comme je disais au début. Puis toi, tu as le temps maintenant de faire l'Asr et le Maghreb après en Jama'a. Dans ce cas-là, tu vas faire l'Asr tout seul en premier. Puis tu vas faire le jama'a, en jama'a le maghrib avec les gens. Mais supposons que quand tu rentres, les gens ils ont déjà commencé. Ou bien ils commencent maintenant la jama'a. Ils vont faire la prière de maghrib maintenant. Et toi, tu n'as pas fait l'asr. Donc si tu fais l'asr avant, tu risques de manquer le maghrib en jama'a. Donc qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Tu fais le maghrib en jama'a. Puis après, tu fais l'asr. D'accord? Et si c'est une prière, par exemple, des fois, il y a des prières comme, par exemple, le dhuhr et l'asr. Hein? Le dhuhr et l'asr. Dans ce cas-là, tu peux toujours prier le dhuhr. Si c'est l'asr que les gens sont en train de prier, tu pries avec eux avec l'intention de faire le dhuhr. Puis quand eux, ils finissent le asr, toi, tu fais le asr tout seul. Yani, comme... Attends, je vais juste finir les points. Après, si tu as une question, tu pourras poser, Inch'Allah. Il dit, ça c'est pour pas que yani, tu accumules trop de prières manquées. Rabi'an, jawaz al-du'a ala al-zalim. Lianna al-Nabiya sallallahu alayhi wa sallam lam yunkir dhalik. Donc, quatrièmement, la permission de faire des du'a contre l'oppresseur. Ou contre celui qui fait de l'injustice. Et... ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a pas condamné. Il n'a pas critiqué Omar d'avoir fait cette invocation-là contre les koufars de Quraysh. Bien entendu, l'obligation, la permission de faire les doigts contre l'injuste, mais pas contre le dirigeant. Ça, c'est important aussi de comprendre ça, parce qu'il y en a, qui ne comprennent pas cette règle-là. Qu'on ne doit pas faire d'invocation contre le dirigeant musulman. Le point numéro 5, مشروعية تهوين المصائب على المصابين. Ici, il mentionne le cheikh qu'il est yani, légiféré de d'alléger le malheur de celui qui a été affligé par un malheur. Donc, quand Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il est venu voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pour se plaindre du fait que il n'avait pas prié le Asr, excepté presque à la fin du temps. Donc, il était malheureux de ça. Alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a voulu l'apaiser en lui disant, moi jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas fait. Donc, ça montre que ça fait partie donc de l'islam d'essayer d'apaiser les sentiments de quelqu'un lorsqu'il est affligé. Et le dernier point, c'est le point numéro 6. Jawazu half as-sadiq walau lam yustahlaf. C'est-à-dire la permission, que c'est permis que la personne véridique yani, jure et fasse un serment, même si on ne lui a pas demandé de jurer. Puisque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu en jurant. Il a dit, « Wallahi, أنا لم أصلي لم أصليها comme c'est mentionné, comme qu'est-ce qu'il a dit dans le hadith. Wallahi ma sallaytuha. Donc ça c'est la preuve. Et donc on a complété ce chapitre. Il n'y avait qu'un seul hadith dans ce chapitre-là. Bien entendu, il y a plus de détails à cette question. Et ce hadith-là, ce livre-là, Umdatul Ahkam, c'est pas un livre qui touche à tous les points en détail et de façon détaillée, non. C'est un hadith qui touche à certaines des questions qui ont rapport avec le fiqh des hadiths. Puis, c'est pour commencer, quand quelqu'un commence dans la science des hadiths, il commence à apprendre ces questions-là. Maintenant, les détails de ces questions-là, si vous voulez plus de détails, je vous conseille, si vous voulez, de retourner à Nailul Awtar, par exemple, de l'imam al-Shawkani. Là, si vous aimez les détails, vous allez en avoir pour votre goût. Parce que l'imam al-Shawkani, il a le souffle long, comme on dit. Il va en profondeur dans chaque détail, dans chaque hadith, et il fait le sharh de Al-Muntaqa. Et Al-Muntaqa, c'est un livre de hadith ahkam, mais beaucoup plus approfondi que Al-Umda. Donc on va s'arrêter ici. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.